On entend souvent ça, quand tout va trop bien, ça va trop bien, il va m'arriver quelque chose, ça va trop bien, je vais avoir une bad luck, je vais avoir une mauvaise nouvelle, je vais avoir... Pourquoi on pense que ça va trop bien? Faut-tu pas tout simplement profiter du fait que ça va bien, puis oublier de dire que ça va trop bien? Est-ce que des fois ça peut aller trop bien? Oui, habituellement quand ça va très bien, ça va bien. Quand ça va très très bien, ça peut sans doute aller trop bien. Pourquoi? Ça anticipe des choses quand ça va trop bien? Oui, parce que l'être humain est régi par une force évolutive qui n'est pas sous son contrôle, une force évolutive qui est en réalité des vieilles mémoires des forces d'involution, c'est-à-dire que l'être humain, dans ce qui constitue sa conscience psychologique, est 85% constitué de mémoires de chute, de mémoires d'involution, de mémoires de densification, des mémoires qui proviennent de la structure qui a permis la création de l'animal humain, et de l'humain comme on le connaît aujourd'hui, depuis quelques millions d'années. Alors l'être humain, ou l'animal humain, ou l'homme, l'humain, dans son évolution, lorsqu'à un moment donné, il connaît bien la vie, il a appris à connaître la vie depuis quelques millions d'années, il la connaît encore mieux depuis quelques milliers d'années, depuis qu'il a une conscience amique, et ces derniers temps, c'est un peu le même phénomène, il expérimente sans cesse qu'après le beau temps, il y a la pluie. Après la pluie, il y a le beau temps aussi. Non, ça c'est... Ceux qui ne voient pas clairement les choses, c'est quand tu aimes, c'est pour les désespérés qu'on dit ça après la pluie, le beau temps. Mais il y a aussi après le beau temps, la pluie. Mais c'est pas de voir ça de façon négative. C'est pas plus réaliste ça que l'inverse. Non. Sauf que la problématique, c'est pas le beau temps, c'est la pluie. Donc, c'est plus efficace de voir qu'après le beau temps, il y aura la pluie, parce qu'on peut se préparer. Plutôt que de ne se rendre compte que ça va mal seulement quand on est dans plein milieu de la pluie, puis là, espérer qu'il va y avoir le beau temps. Le beau temps n'est pas un problème. Donc, prévoir le beau temps, c'est pas un problème, c'est prévoir la pluie. Quand ça va trop bien, il faudrait se préparer. L'humain sait très bien que quand ça va très bien ou trop bien, il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, ça semble bien aller quand ça va trop bien. Ça va pas parce qu'on est pas. C'est même une expression, humaine, ça va trop bien, c'est trop beau. Pourquoi c'est trop beau? Deux choses. Sommes-nous tellement médiocres qu'on ne mérite pas ça? C'est pour ça que c'est trop beau, que ça se peut pas. Alors que tu l'as dans le visage, et encore que ça va trop bien. Ça va trop bien, c'est trop parfait, c'est trop correct, c'est trop beau. Il y a sans doute quelque chose qui va nous tomber sur la tête. Et effectivement, dans 99% des cas, c'est ce qui arrive. Mais c'est pas d'être défaitiste que de se dire que ça va trop bien. Puis qu'on... C'est d'être défaitiste de croire que ça va trop bien. De le dire, non. Mais si tu crois que ça va trop bien, t'es pas défaitiste. Non, parce que tu peux être défaitiste si c'est une conscience émotive qui te fait croire que ça va trop bien, et tu peux être absolument logique et simplement conséquentiel, observateur, c'est ta conscience mentale, parce qu'effectivement, il y a des choses que l'être humain a appris à connaître. Lorsque l'être humain va, ça va bien, ça va mal. Lorsque ça va mal, ça retourne bien. N'importe quelle personne ici peut observer son passé et va se rendre compte qu'il y a eu des problèmes dans sa vie, puis de gros problèmes, mais qu'on s'en sort toujours. Et on a eu de grands bonheurs, de grandes plénitudes, on a eu des réussites totales. Et ça foire toujours à un moment donné. Il y a des cycles, autrement dit. C'est pas des ronds, c'est des... C'est ça, c'est sinusoïdal. On a eu... Tous les empires ont connu leur apothéose, leur apocalypse, leur phase de montée qui était montante, descendante, jusqu'à un point sublime qui ne peut plus être supporté par la conscience psychologique qui habite les individus de ces sociétés-là. Et là, tout s'effondre. C'est un crash. C'est ça, un crack. Que ce soit... la France avec Napoléon, que ce soit l'Angleterre alors qu'ils avaient les plus grandes flottes à l'échelle de la planète, que ce soit l'Espagne et le Portugal qui sont divisés le monde en deux à l'époque des conquérants, que ce soit la Chine, la Mongolie, Genghis Khan, Kublai Khan, les Japons, on les a connus, ils ont aussi de grandes gloires, que ce soit la Perse, les pays qu'on a encore aujourd'hui, la Macédonie, que ce soit la Grèce, que ce soit tout, quand on parle de Rome, c'est l'Italie. Toutes les grandes nations, que ce soit même les Russies des différentes sortes qu'on a eu à un moment donné, quelles que soient les nations, quels que soient les groupements d'humains, il y a cette évolution au bas, qui a une tendance vers le haut. Et lorsque la réussite globale de la collectivité devient trop pesante pour la conscience médiocre de l'humain, tout finit par s'effondrer. Présentement, la planète Terre, ça va bien. Ça va mal. Mais plus ça va bien, plus ça va mal. C'est-à-dire que plus ça va bien, plus on sent l'épée de Damoclès pointée sur nous autres. Cette épée porte le nom de bombe nucléaire. Alors, on a une technologie de plus en plus géniale. On a une science médicale de plus en plus convenable. On a une science pédagogique qui peut s'améliorer de jour en jour. On connaît la psychologie de l'homme. Même si on ne connaît pas totalement la mécanicité qui manipule l'homme, on a quand même une idée que l'homme a une psychologie. On sait au moins aujourd'hui que l'âme, que la femme a une âme. C'est déjà mieux que voilà quelques 200-300 ans. On peut prévoir la météorologie, la météo, on peut prévoir les ouragans. On a de la matière, soit au niveau hélicoptère, au niveau moyen de transport pour sauver les personnes qui ont des problèmes, en cas de tremblement de terre ou en cas de d'autres phénomènes. On a le sida qui attaque tout le monde. On a des laboratoires qui ont réussi à repérer quelle était la cause du sida. Il y a plusieurs causes, on peut travailler là-dessus. Ça prend quelques années, mais on peut le faire. Alors, dans le passé, on ne peut pas rien faire. Tu te brises une jambe, on la répare, tu continues à courir comme avant. On a une science matérielle plus ou moins géniale. Tout peut aller pour le mieux sur cette maudite planète. Il y a un problème. Il y a une problématique. Un problème, c'est que ça risque de virer en apocalypse. Pourquoi? Pour la simple raison que Dieu n'aime pas les êtres humains qui évoluent. C'est une punition? Parce que ça va trop bien? C'est plus proche d'une vengeance que d'une punition, mais ce n'est pas tout à fait une vengeance, c'est simplement une peur, une crainte. Lorsque l'homme craint son Dieu, ça va. Lorsque Dieu craint l'homme, qui est aimé par Dieu? Les pauvres, les simples d'esprit, les imbéciles, les lépreux, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, tous ceux qui ne peuvent pas s'en sortir, Dieu les aime. Parce qu'ils n'ont pas de défense? Parce qu'ils sont manipulables sans problème, il n'y a aucun problème, ils ne peuvent pas s'en sortir. Dieu les aime. C'est évident que heureux soit le pauvre. C'est évident. Il ne souffrira pas. Il va aller direct au ciel. À droite de tout partout. À droite de Dieu. Mais lorsque notre humain commence à s'éveiller, lorsque notre humain commence à se réveiller, lorsque notre humain commence à se redresser, se lever debout, il devient intelligent. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Lorsqu'une société devient trop puissante, Dieu n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce qui y arrive? Il arrive que toutes les forces divines vont être focalisées dans les individus les plus faibles de ces nations pour faire en sorte que ces individus faibles détruisent la nation. C'est de là que viennent les révoltes et puis les révoltes, c'est de là que viennent aussi surtout les effondrements totaux au niveau des hiérarchies qui existent. Et c'est la hiérarchie de l'époque qui maintient évidemment la classe. Au niveau de l'homme, c'est la même chose. Ça va bien, tu es en affaires, tu commences à monter, ça va bien, puis à un moment donné, tu commences à te sentir trop puissant. Or, dans l'Antiquité, on va dire, c'est Dieu qui est pour te prouver, pour démolir un peu ton orgueil, pour te faire comprendre que c'est pas toi qui dirige tout. Il vient nous dire qu'on a un libre-arbitre, puis en même temps, il veut nous faire comprendre qu'on ne dirige pas tout. Okay. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'à un moment donné, ta femme va sortir avec un autre, ou ton mari. Un de tes enfants va commencer à se droguer, ou il y en a un qui va avoir une maladie pénible, ou il y en a un qui va mourir, ou le feu va prendre dans ta maison, ou il y a un employé qui va à un moment donné tuer sa femme dans ta compagnie, ou il va, ça va trop bien, il faut faire attention. Parce qu'effectivement, les dieux n'aiment pas ça quand l'homme va bien. Aucun dieu, ni mon dieu, ni Jéhovah, ni Yahvé, ni Allah, aucun dieu, n'aime pas ça quand l'être humain va bien. Quand l'être humain va bien, l'humain pense à lui. Hein? Que l'être humain va mal, il pense à Dieu. Et Dieu a besoin que l'être humain le nourrisse par sa structure émotive. Nécessairement... Qu'est-ce que tu entends? J'aimerais que tu clarifies ce que tu veux dire par Dieu. Par Dieu, je veux dire exactement la même chose que ce que tout le monde veut dire par Dieu. Évidemment, j'ai une valeur plus mentale ou plus supramentale de la vision de Dieu qui est moins émotive, qui est moins intuitionnelle. Dieu, c'est le créateur de l'âme. L'âme, c'est le virus chez l'homme. Dieu, c'est le créateur de l'espoir. Dieu, c'est le créateur de la beauté. Dieu, c'est le créateur de la laideur. Dieu, c'est le créateur des forces sataniques. Dieu, c'est le créateur de tout ce qui supporte l'homme et de tout ce qui détruit l'homme. Dieu, c'est une mécanicité qui a été créée par l'homme lorsque l'homme a été effusé dans le contexte évolutionnaire de notre planète. C'est-à-dire que dans les énergies qui... Il y a de ça quelques milliards d'années, dans les énergies qui ont prévalu à la naissance d'un monde évolutionnaire comme le nôtre, à l'investissement d'un monde refroidi comme le nôtre, un monde en refroidissement ou un monde froid, plan planétaire et le plan système solaire et galaxique, etc. Dans ces énergies-là, il y a des énergies qui ne pouvaient pas descendre plus bas qu'à un certain rythme vibratoire, des énergies... Bon, je vais raconter une petite histoire, ça peut être plus facile à comprendre. Il y a de ça quelques années, c'est calculé en quelques milliards d'années, Il y a un faisceau d'énergie, puis on doit prendre le parallèle comme on peut. Ce faisceau d'énergie, c'est comme si c'était un être humain. Disons que c'est toi. Mais tu n'es pas comme tu es là. Et toi, tu décides de... Tu acceptes une certaine forme de mission. Tu acceptes d'être un fonctionnaire créationnel. C'est-à-dire que tu descends dans la matière dans le but de faire... dans le but d'illuminer la matière. Mais tu es constitué d'une quantité assez astronomique d'énergie. Astronomique qui est un terme juste. Et dans ton effusion, étant donné la quantité astronomique d'énergie que tu as, il y aura un éclatement énergétique. Cela va engendrer la création de différentes formes de systèmes solaires, des galaxies. Une grande partie de ton énergie, la pourriture chez toi, va refuser la mission. Elle va refuser de descendre dans la matière. Parce qu'il y a toujours un problème quand de l'énergie ou de l'intelligence devient de la matière. Il peut prendre goût à la matière et rester de la matière. Ne pas vouloir redevenir d'énergie. Ne pourra même plus vouloir. Alors, la partie la plus laide de ce qui te constitue en tant qu'être de lumière refuse. Et elle va s'arrêter autour de la matière, mais pas dans la matière. Elle s'arrête, on regarde la planète Terre, et là, toi, en tant qu'être de lumière, je ne parle pas d'un guide de lumière, ça c'est un connard, pas pareil. En tant qu'être de lumière, tu descends tes fusées à l'échelle de la planète, et tu vas te pluraliser en quelques millions d'êtres humains. Par la suite, il y aura d'autres faisceaux qui vont arriver, d'autres êtres de lumière. Et on aura finalement 5 milliards, quelques centaines de millions, quelques milliers d'êtres humains sur la planète Terre pour supporter cet éclatement-là énergétique. La pourriture chez toi. Ce qui est le moins puissant. Ce qui est le plus peureux. Et ce sont des termes humains. Mais ce n'est pas, on ne peut pas faire correspondance exacte avec la valeur énergétique de ce que peut être une émotion divine. Mais je prends des termes pour qu'on puisse comprendre. La pourriture chez toi, lorsqu'elle descend, elle freine, elle ne veut pas aller sur la matière et elle arrive à s'arrêter, elle arrive à se retenir autour de la matière. Et là, ce qu'il y a de plus puissant chez toi continue son évolution, son effusion, et rentre dans la matière parce qu'il devra arriver à illuminer la matière. Illuminer la matière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lentement, la matière qui est refroidie va voir son taux vibratoire ou sa capacité énergétique augmenter, et lentement, la matière va se réchauffer. Se réchauffant, elle va continuer à attirer autour d'elle, elle va se densifier. On passe par-dessus des petites parties, disons, physiques et astrophysiques. Et ce phénomène matériel va avoir la faculté, à un moment donné, d'influencer d'une façon plus complexe l'espace-temps qui l'entoure, donc il sera capable de courber le temps et la matière. Cela veut dire qu'il va augmenter sa densité et lentement, il va recommencer à se regrouper, c'est-à-dire que dans la création, si présentement elle est en phase d'expansion, elle va à un moment donné recommencer une phase de revenu vers le centre source, c'est-à-dire l'endroit d'où tout a commencé. C'est un des rôles de l'homme. La partie la plus pourrite de toi qui reste à l'échelle de la planète Terre, c'est ce qu'on appelle le monde de la mort, le ciel, le nirvana. Et c'est ça Dieu. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de nourriture. Il a besoin d'être énergisé. Il évolue. C'est-à-dire que ce qui est le plus consistant dans la matière même de l'être de lumière est présentement dans la matière. C'est l'homme. C'est la femme. Aussi refroidi, on est limité par le corps physique. Mais entre vous et moi, n'est-ce pas jolie cette matière qui a même la faculté de penser? Hein? C'est drôlement mieux que cette matière-là ici. Faut que ce soit passé quelque chose de formidablement puissant et génial pour que de la matière puisse trouver quelque chose de beau où l'est. Une problématique d'être dualitaire, d'être polarisé et de dire c'est laid, c'est beau, on en souffre. Mais pour que de la matière puisse souffrir, faut quand même qu'on sorte un peu de la médiocrité que l'on connaît. Il s'est passé quelque chose de formidablement puissant. Cette matière, elle est capable d'aimer, elle est capable de dessiner, d'exprimer, d'avoir des contacts, et même d'amener du neuf. Elle est capable de faire la guerre, c'est génial. Que de la matière puisse faire la guerre, c'est génial. De la matière, ça reste là, c'est inerte. C'est sûr que l'intelligence qui habite la matière chez l'animal humain, qu'il fasse la guerre, c'est dommage pour l'animal humain. Mais si on compare ça d'un point de vue cosmique, ben c'est de la matière. Puis ce qui habite la matière-là pour arriver à faire ça, c'est puissant. Dieu ne manipule pas la matière comme l'homme la manipule. Il n'y a pas un Dieu dans le monde de la mort qui est capable de faire pousser un arbre. C'est la terre qui fait pousser l'arbre. C'est le soleil qui fait pousser l'arbre. Ce n'est pas un Dieu. Un Dieu ne transformera pas un désert en Éden. Non, c'est l'homme qu'il va falloir qu'il cultive. Pas Dieu. Dieu ne peut pas. L'homme devra travailler à la sueur de son front et bâtir cela. Dieu ne peut pas. Et là, les spiritualistes vont dire, oui, mais c'est quand même Dieu qui donne l'énergie pour que ça pousse. Il y a bien des places qu'on en plante des graines. Faut croire que Dieu n'existe pas là. Ça pousse pas. C'est l'homme qui le fait, c'est pas Dieu. C'est donc la jalousie de ce monde de la mort par rapport à l'humain. Ce Dieu qui maintenant va être... Il y a différents dieux parce qu'il y a différents êtres de lumière qui ont laissé une partie de leur forme d'évolution à l'échelle du monde de la mort de notre planète, les parties énergétiques qui ont le moins voulu descendre. Pire que Dieu, c'est les autres hiérarchies cosmiques. Les parties de nous autres qui ont refusé bien avant, alors que Dieu s'est au moins rendu jusqu'au contexte de la planète. Et nous avons continué. Et là, Dieu nous dit, c'est une chute. Vous avez chuté. On qu'est-ce tombé... qu'il fait autour de la planète, lui? On est tombé plus bas que lui, on est tombé sur la planète. On est plus haut que lui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que ces phénomènes énergétiques-là, il a une tendance proche de la planète, une tendance à se refroidir, lui aussi. Il a évolué. Pour ne pas évoluer, il a besoin d'énergie. Il a besoin d'être énergisé. Alors, et c'est l'homme. L'homme, c'est l'énergie. L'énergie dans l'homme, l'énergie dans la matière. Il n'est pas juste dans la substance éthérique autour de notre planète ou dans la substance astrale. C'est pas là qu'il y a de l'énergie. Il y a des mémoires. Il y a suffisamment d'énergie pour conserver des mémoires, même si ces mémoires-là s'oublient. Elles se transforment. Elles s'altèrent, ces mémoires. L'énergie dans la matière, dans l'homme. Sauf que l'homme est plus limité parce qu'il est dans la matière. Mais l'homme a la faculté de faire des choses qu'aucune divinité ne peut faire. Alors, Dieu passe par le canal réincarnationnel chez l'homme. Dieu passe donc par l'homme. Par les voies de communication entre l'âme de l'homme et Dieu. Et là, Dieu lui suggère des choses. Et parce que l'homme a une conscience corporelle, corporifiée, beaucoup plus limitée que l'expansion divine, alors l'homme a l'impression qu'il est petit. Mais toute la puissance est dans l'homme. Mais c'est contenu dans pas grand-chose. Alors que Dieu a accès à une grosse, grosse, grosse partie de notre planète. Et les mémoires événementielles de l'histoire sont dans Dieu. On appelle ça les annales akashiques. Alors, ce Dieu a besoin d'être nourri parce qu'il évolue. Mais comment le fait que ça aille bien ou mal pour un être humain énergise les dieux ou le monde de la mort? Quand un être humain émet de l'émotion, il nourrit Dieu. Alors, quand il émet de l'émotion, nourrissant Dieu, il empêche Dieu d'évoluer. Dieu s'accote sur l'homme, s'appuie sur l'homme. Il y a un dieu extrêmement puissant qui était un dieu romain, qui faisait la guerre, qui obligeait les Romains à conquérir les autres peuples, qui obligeait les Romains à convertir les autres peuples. Et ce dieu-là, à un moment donné, il a été en guerre contre le dieu chrétien. Les Romains ont beaucoup massacré de chrétiens pour essayer de faire en sorte que les chrétiens ne puissent plus nourrir ce dieu-là. C'est pas ce qu'il faisait, mais comme toujours, l'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Sauf que plus on massacrait, le Dieu chrétien était un Dieu qui acceptait les martyrs. La première fois sur la planète Terre qu'un Dieu acceptait cela. Bon, acceptait cela comme ça. Les dieux sont hypocrites. Avant, on acceptait les sacrifices humains. Là, c'était aussi des sacrifices humains. Pas de la même façon. Un peu avant et ailleurs sur la planète, mais si on regarde au niveau du temps, donc avant, on acceptait le sacrifice que le vivant offrait. Le Dieu chrétien a été le premier à accepter le sacrifice que tu fais, bien avant le Japon. Alors, nos chrétiens, eux autres, allaient au ciel, allaient nourrir totalement leur Dieu de toute leur énergie lorsqu'un Romain les tuait, lorsqu'un lion les bouffait. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a eu un Dieu aussi rapace. C'était plus subtil, mais il était rapace. Il se nourrissait. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ce Dieu a pris tellement de puissance. Tu allais au ciel si tu donnais ta vie pour Dieu, ou pas encore pour le nom de Jésus. Pas pour Jésus, pour le nom. Il n'y a pas un moment où... Même pour le nom de Dieu, c'était même pas pour Dieu, c'est pour le nom de Dieu. C'est pour le canal. Alors, l'humain qui donnait sa vie pour, nourrissait. Alors, le Dieu romain, extrêmement puissant, qui a fait de l'Empire romain un des plus bels empires sur la planète, bien, le Dieu-là a commencé à attaquer ce Dieu-là ici. Et puis, lentement, ce Dieu-là, les Romains ont été convertis au christianisme, ne nourrissant plus leur Dieu, le Dieu est disparu. Si tous les chrétiens de la planète cessent de prier Dieu, ça va prendre à peu près une semaine pour que ce Dieu-là soit absolument plus efficace. Mais s'il n'y a plus d'énergie qui s'en va dans le monde de la mort, tu détruis le monde de la mort. Si tous les fidèles qui prient cesseraient de prier, en un mois, l'Apocalypse serait oublié. Il n'y aurait plus. Puis qu'est-ce que ça donnerait? Ben, ça donnerait que l'être humain aurait un contact plus rapide avec son intelligence. On parle pour parler, parce que ça n'arrivera pas. Ouais. On parle toujours pour parler, de toute façon. Des fois, ça instruit l'astral sans ligne des choses, mais là, l'humain, non. Il faudrait qu'on parle en baie des langues, puis l'humain, la génétique de l'homme n'est pas encore prête. Les trois sujets, c'est Dieu. Ça va bien, tu sécrètes en bien. Ça va bien, bien, bien, tu commences à te libérer de la matière. Donc là, c'est plus rien qui te dérange, tu ne sécrètes plus, tu ne fournis plus d'énergie, là, il est temps que ça aille mal. Ça va bien, nous autres. On peut venir à des soirées comme ça et puis parler. Ça va bien, nous autres. On peut même discuter entre nous à la maison et parler. Ça va bien, nous autres. On peut aller en Jamaïque, on peut aller au Mexique, on peut aller en campagne, on peut aller faire du ski. Pendant ce temps-là, on pense à nous. On pense pas à Dieu. Un maudit problème. Qui c'est qui va le nourrir? C'est pour ça les guerres, c'est pour ça la famine, c'est pour ça. Alors, à un moment donné, c'est ça. C'est Dieu-là s'arrange pour que si ça va trop bien ton affaire, tu penses à toi quand ça va bien. Quand ça va bien, pense à Dieu. Ça va continuer à aller bien. C'est vrai. C'est ce que la religion dit. Tu gagnes 1 million, donne-en à l'Église, donne-en à Dieu, donne-en à des pauvres, donne-en à quelque part. Perds-en. Pense à Dieu. Et ça va continuer à aller bien. Ça va de soi. Si tu continues à nourrir Dieu, les contingences divines n'iront pas te démolir. Si ça va trop bien, ils n'iront pas te taper dedans ou ça allait plus mal. Parce que quand l'homme va mal, il pense à Dieu. Quand il va bien, il ne pense plus à Dieu. Alors évidemment, Dieu est jaloux. Mais si notre énergie est plus puissante, notre énergie, tu disais tantôt que c'est la cochonnerie qui a formé le monde de la mort, ce qui est passé à travers était de meilleure qualité. Vu que c'est plus puissant, pourquoi on n'est pas capable de s'en débarrasser carrément? Bon, quand je dis que c'est plus puissant, je parle avec la vision que j'ai moi. Moi, je peux voir que dans l'homme ou dans la femme ou dans l'enfant, il y a beaucoup plus de puissance que dans le monde de la mort ou dans le ciel. C'est la même chose. Sauf que l'enfant, l'homme ou la femme, lui, quand il s'observe dans le miroir, tout ce qu'il voit, c'est un bouton sur le bout de son nez. Puis comme il n'arrive pas à contrôler le bouton, il ne voit vraiment pas comment il peut contrôler Dieu. Mais ça, c'est plus facile de contrôler Dieu que de contrôler le bouton. Mais si Dieu te fait à croire que tu es petit, comme tu dis ça, c'est comme ça que je le comprends, c'est donc qu'il est plus fort que toi quand même. S'il est capable de te faire à croire quelque chose, c'est lui qui gagne. Je te présente quelqu'un, et puis cette personne-là, c'est le leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Dans ton cas, ça ne fonctionnera pas parce que tu as une puissance, mais prenons l'exemple d'une personne conventionnelle. Et c'est une personne en affaires, puis ce bonhomme-là, qui est le leader parlementaire, donc celui qui remplace le premier ministre lorsque le premier ministre n'est pas là, il donne des ordres à des gens, puis il parle. Hey, ça va l'écouter. Les hommes d'affaires vont l'écouter en maudit. La journée qu'ils vont apprendre que le gars, c'est un imposteur, ils vont l'écouter encore. La puissance, ça peut changer de camp vite. Nous croyons que Dieu est notre créateur. Il est le créateur de notre âme. Nous sommes le créateur de Dieu. Nous avons créé le véhicule. Nous avons créé le paramètre pour recevoir de l'esprit. Nous avons créé Dieu pour que Dieu nous envoie une âme. De façon à ce que celle-ci s'occupe du corps physique, donc l'anime, âme vient de là, anima. L'anime, le temps que le corps physique soit suffisamment solide pour que maintenant nous puissions traverser Dieu puis prendre le corps physique. Et maintenant, on va aller chercher Dieu. C'est-à-dire pourquoi Jean dit, Jean de Patmos, dans l'Apocalypse, dit qu'à un moment donné, il n'y aura plus de monde de la mort. L'homme voudra se tuer, il ne trouvera pas à la mort. Non, on va tout absorber ça. Alors, c'est la puissance. Tant que tu es convaincu, moi, ce que j'ai dit lorsque j'étais jeune, à un moment donné, j'ai envoyé promener Dieu. Avec tous les mots québécois possibles. Mais c'est à con. Prie, puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Bien, continue à prier, t'as pas mal prié si tu l'as pas eu. Fais penser à bien des techniques de psychologie, tu sais, de relations humaines. Si ça marche pas, c'est parce que t'as mal appliqué. C'est pas à cause que la technique est pas bonne. Puis après avoir tout fait, mais t'as rendu compte que prie pas, c'est pareil. Alors, j'ai donné de la marde, je l'ai envoyé promener comme il faut. Je me suis senti coupable d'avoir fait ça. J'ai demandé pardon. Après ça, parce que lui m'est pas un. Après ça, j'ai recommencé, là, je l'ai envoyé promener dans le fond du garde-robe après quelques mois après, ça, là, c'était carrément là. Et puis là, j'ai décidé que je n'avais rien à faire. Tue-moi, puis mange de la marde. C'était simple. Il ne m'a pas tué. Non. Il a peut-être mangé de la marde. Il ne m'a pas tué. Pour la simple raison qu'il n'y a pas ce pouvoir-là. L'homme peut tuer l'homme, pas Dieu. Mais c'est pas un défi dangereux, vu qu'il est capable de contrôler. Non, c'est un défi si tu n'y crois pas. Dangereux. Mais non. Il y a des parties de Dieu qui sont utiles, agréables et utilisables. Il y a des parties de Dieu qui sont à détruire. Simple. Dieu est un phénomène évolutif. En plus, Dieu, c'est nous autres. Mais quand on prie, est-ce qu'on énergise ou est-ce qu'on énergise prend de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une prière et aller chercher de l'énergie? Absolument. C'est ce qui va devoir se faire à un moment donné. Il va falloir que l'être humain prie pour aller chercher de l'énergie. Ça fait des millions d'années qu'on en met dans le ciel. Cette énergie-là, elle devra servir, elle va servir dans les temps qui vont venir. Il y aura des êtres humains qui auront la faculté d'aller chercher sans faire de pacte, d'aller chercher l'énergie pour la descendre. Ça, c'est une énergie qui appartient à l'homme. À ce moment-là, plus ça va aller mal pour le monde de la mort aussi, parce qu'on va prier plus pour aller chercher l'énergie. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est que ça va aller très bien. On prie, on ramasse l'énergie, puis elle nous aide, et ça va aller de mieux en mieux. Pendant ce temps-là, l'énergie qu'on va aller chercher, qui est l'énergie la plus proche de la conscience de l'âme, donc celle qui est la plus évoluée, l'énergie divine, on va la vider du monde de la mort, et puis c'est elle qui est présentement écrase et tamponne les énergies infernales. Donc, plus pour nous ça va bien aller, plus on va libérer le mal à l'échelle de la planète. Donc, on s'en va, en faisant cela, directement vers un apocalypse militaire. Eh bien, de toute façon, quand on regarde toute la phénoménologie de l'évolution de la planète Terre, quelles que soient les solutions qui sont intelligentes à employer, on s'en va pareil vers une restructuration de la matière. Ça veut dire qu'en dessous du monde de la mort, de l'énergie divine, il y a l'énergie satanique ou du mal? Ben absolument, c'est le même phénomène énergétique qui est un point vibratoire plus bas. Ça veut dire que, de toute façon, c'est évident qu'après avoir passé à travers cette couche-là, on va arriver... Toute l'expérience mémorielle que, disons, la chrétienté a accumulée à travers les massacres, c'est de l'enfer. Ça fait partie des mémoires du ciel. Toutes les mémoires événementielles ou expérientielles qui ont été accumulées lorsqu'il y a eu des bonnes choses, c'est partie des bonnes choses. Quand on prie Dieu, on ne prie pas un Dieu qui va nous envoyer faire des croisades pour aller délivrer un tombeau. On ne prie pas ce Dieu-là. On ne prie pas non plus un Dieu qui va foudroyer le voisin parce que nous avons dit un cochon de trop. C'est pas celui-là qu'on prie. Mais dans le passé, c'est le même Dieu qu'on priait, mais pour ces choses-là. On priait, ben il y en a encore des caves qui prient, tu sais, il y a les Nordiques qui font le signe de croix, puis les Canadiens font le signe de croix, puis ils espèrent que Dieu va faire en sorte qu'ils vont gagner tous les deux. T'sais. Bon, il devra avoir un perdant. Je ne sais pas si Dieu est nordique ou canadien, mais n'empêche. Il y a toujours ce phénomène-là. Ça dépend qui achète les Nordiques, là. C'est ça. C'est maintenant quelle bière il aime Dieu, on va voir. C'est ça. Lorsque l'être humain va drainer énergétiquement ce monde de la mort, de la bonne énergie pour commencer, il va simplement libérer la vieille. Drainer la vieille, on ne peut pas pour l'instant, elle est trop... on n'est pas assez vil pour ça. C'est-à-dire que pour drainer l'énergie basse de système divin, il faut qu'on fasse de la magie noire, la sorcellerie noire. Alors que nous, l'être humain sera de plus en plus enclin à faire de la magie blanche. Est-ce que l'Église fait ou c'est la magie blanche? Elle fait aussi la magie noire, l'Église, mais elle fait aussi la magie blanche. Et l'être humain qui évolue ne voudra pas évoluer en disant, bon, ben OK, je vais prier pour avoir plus de drogue, pour en vendre un peu plus. Là, tu vas drainer le monde de la mort des parties négatives. En droguant les gens, tu nourris le monde de la mort de parties négatives. Fait que là, tu vas t'enrichir aux dépens de l'homme en service à ce qu'on appelait avant Satan ou le diable. Tu donnes ton âme au diable. Mais donner ton âme à Dieu, donner ton âme au diable. C'est une question de principe, mais ça change pas grand-chose. Je t'adonne de toute façon. Exact. Il faut que l'humain se la digère, son âme. Alors, quand tout va bien, tu penses à toi. Tu oublies de penser à Dieu. Ou tu ne penses plus de la même façon à Dieu. Tu n'as plus peur, tu n'es plus inquiet, tu ne sécrètes plus émotivement les mêmes affaires. Il faudrait continuer de sécréter pendant que ça va bien, pour que ça continue d'aller bien. Ça commence à aller bien, puis tu continues à te morfondre pour plaire à Dieu. Ils sont même pas à peine d'aller bien. Tant qu'à te morfondre, attends, il va te casser la gueule. T'as pas de morfondre, sans avoir à te forcer. Mais pourquoi on doit absolument retourner dans ce cycle-là? On peut pas rester en haut? On doit pas retourner dans ce cycle-là. C'est parce que présentement, l'humain accepte trop facilement cela. Quand je parle de grève planétaire, faire une grève par rapport aux forces divines, c'est ce qu'il faudrait faire, évidemment. Il y a quelques-uns qui vont arriver à le faire, puis ceux-là, c'est ceux qui vont arriver à s'en sortir. Les autres vont passer par la suite, évidemment. C'est sûr, toute l'humanité va s'en sortir, mais ça va prendre les 450 prochaines années quand même pour qu'une bonne partie de l'humanité y arrive. Si on regarde ça de l'autre angle, à ce moment-là, quand ça va très mal, si ça ne te dérange pas que ça aille mal... Ça va immédiatement aller bien. Ça va aller mieux? Eh oui. Parce que tu vas arrêter de sécréter? Tu nourris plus Dieu. On te libère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, quand tout va trop bien, c'est réellement un thème qui est réel. C'est dangereux. Les dieux n'aiment pas cela. Première chose, agression divine à travers l'homme, à travers ceux avec qui tu vis. Alors, première expression divine, ça va être que les humains autour de toi vont commencer à être jaloux. Eux vont se faire charrier. Tout à l'heure, je parlais de ton fils qui commence à se droguer, ou de ta femme, ou de ton mari qui sort avec un autre, ou qui, etc., qui se casse la gueule dans un accident d'automobile, ou n'importe quoi. Il va arriver un paquet de choses dans le genre. Alors, tout va bien, puis c'est quand tout va bien qu'il faut que quelque chose aille mal. C'est toujours à peu près pareil. Il faut, dans une structure évolutive, que quand tout va bien, qu'on s'arrange pour que tout continue à aller bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas s'endormir. Quand tout va bien, c'est là que c'est dangereux. Parce que là, tu ne portes plus attention, tu t'endors? Tu veux grimper. Exactement comme si tu étais en train d'éteindre un incendie de maison, puis ça y va. Hein? Les flammes, ça grimpe, t'arrose, puis tu donnes des ordres, puis tout le monde court. Puis là, tu te fatigues. Mais tu vas en avoir de l'énergie tant qu'il va y avoir de la flamme, puis tant qu'il va y avoir, évidemment, de la possibilité de sauver l'immeuble. Quand c'est presque éteint, c'est le temps de prendre un café? Tu risques de recommencer à éteindre un incendie tout à l'heure. Hein? Ce que l'humain fait. Ah, bon, OK, c'est correct. Quand tu vas, commence à rentrer des bouillots, là, il reste 5 quelques braises, on va surveiller ça, là. Les pompiers ne font plus ça. Hein? Avant, ils faisaient ça. Maintenant, ils font ça quand il n'y a plus rien. Parce qu'ils se sont fait avoir souvent. L'humain, c'est la même chose. Quand tu as réglé en grand, grosso modo, tous tes problèmes, tu viens juste d'ôter les flammes. Mais il reste toute la braise. Pas encore touché à ça. Nous, on prend notre pause café presque tout de suite. Oui, mais là, ça va bien. Là. Prends des vacances. Arrête un peu. Si tu veux que ça continue à aller bien, c'est le temps là, de continuer à travailler. Dans n'importe quoi, dans l'éducation, dans ceci, dans cela, c'est pas le temps d'arrêter parce que fie-toi à Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas des impacts astrologiques? Parce que si on regarde, par exemple, le cycle de la bourse, ça touche le l'humanité complète. C'est pour distraire et plaire à l'homme. Il y en a un bon paquet. Il y a quand même des cycles. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont attachés par soit le cycle de la bourse ou d'autres choses, mais des cycles, je veux dire, qui représentent les un paquet. Les cracks arrivent en octobre. Bon, pourquoi? Parce que ça plaît parce à l'homme. Parce que ça allait trop bien au mois de septembre. Parce que ça plaît à l'homme, ça arrive en octobre. Mais ça doit faire sécréter de façon internationale. Oui, oui. La manipulation va faire que tu vas faire ça. Mais ce n'est pas un cycle légal. On peut changer ça n'importe quand. Quand tu as un crack en octobre, c'est toujours en octobre. Alors, remarque, ça aurait dû être en 89, le crack, cette fois-ci. Dernier crack, c'était quand? 87, à l'œil, là. Non, mais l'autre. Le 19 octobre. Je me souviens pas. Le premier. En 29, le plus gros. En 89, ça aurait dû être celui-ci. En octobre 89, pour que ça fitte avec octobre 29. En 9. On parle de 9. 9, c'est intéressant, 9. Il y a plein de numérologie là-dessus. Sauf que là, ils ont manqué leur coup un peu pour la simple raison que ça allait tellement bien que Dieu devenait impatient. Parce que ça allait trop bien? Oui. Parce qu'il faut faire attention à la science. Elle va dire, oui, mais regarde, il y a un cycle. La science n'explique pas pourquoi elle décrit seulement la science. L'humaine, elle fait juste la description. Pourquoi que tu as des problèmes stomacales? Ben, c'est parce que tu manges trop de trucs acides. Oui, mais elle n'explique pas pourquoi, elle décrit. Elle décrit que quand tu mets de l'acide dans l'estomac, ça gruge la muqueuse, puis lentement, ça attaque carrément la paroi de l'estomac. D'où l'effet du brûlement, ton estomac se digère elle-même. Mais elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle a décrit. C'est évident quand on plante une graine en terre, ça pousse, mais il faut y mettre de l'eau, il faut qu'elle ait des oligo-éléments, il faut qu'elle ait du soleil, il faut qu'elle ait du gaz carbonique. On ne fait que décrire, on n'explique pas, parce que ça se peut pas, ce qu'on décrit. Ça se fait, mais on n'explique pas. Quand on parle des cycles, on va dire, oui, mais c'est cyclique. Simplement parce que ceux qui manipulent s'arrangent pour mettre des cycles, de façon à ce que l'humain s'attache au cycle, ça le distrait. S'attaquant au phénomène cyclique, il finit par inventer une mathématique pour prévoir les prochains cycles, puis là, on le ramasse par les culottes. C'est là qu'il se fait arranger, parce qu'il n'arrive pas le prochain cycle, il arrive deux ans avant ou il arrive deux ans après. Exact. Toute l'astrologie est une farce magistrale. C'est évident qu'il y a un phénomène qui marche. C'est-à-dire que quand on commence à pouvoir prédire quelque chose, c'est dangereux. Sans plein ça. Quand tu commences à pouvoir le prédire avec certitude, fie-toi à tout sauf à ça. Ça ne marche pas. Combien d'astrologues avaient prévu qu'en octobre 87... puis qu'en 88, que tout irait bien, puis que ça marcherait bien, puis que c'était impeccable, puis qu'il fallait ci, qu'il fallait ça. Combien d'astrologues ont perdu leur argent? Tous ceux qui travaillaient à la bourse, on s'en doute toutes, font toute partie de ceux qui ont perdu. Les meilleurs courtiers marchent comment? Avec l'intuition. À l'inverse des autres. Mais ils sont faits, oui, c'est ça, les meilleurs marchent avec l'intuition, ils ne marchent pas avec les mathématiques. La majorité des meilleurs courtiers sont aussi faits ramasser par les culottes. Seuls ceux qui ont eu des doutes à la fin. Ceux qui hésitaient, qui savaient qu'eux, mais ça se pouvait pas qu'eux. S'ils auraient écouté l'or, ils savaient qu'eux, ils auraient fait de l'argent. Vu parce qu'on peut gager qu'il va y avoir des cracks. Vu qu'ils ont perdu, tout va trop bien. Ça allait très bien, la bourse. Pas si ça passe. Et quand tout le monde va dans J'ai une déjà tendance. Expliqué, c'est pas une prophétie, parce que c'est ça qui est arrivé. Quand les grandes nations vont s'unir autour de la même terre pour parler de paix, il va nous rester quelques temps avant la guerre. Et c'est comme ça que ça marche. C'est toujours comme ça que ça marche. Quand Adolf Hitler a conquis l'Europe au complet, il venait de signer un pacte avec la France de non-agression. Ils avaient endormi un peu. Il avait signé un pacte avec l'URSS. Il avait signé un pacte avec tous ceux qui ont conquis. Toujours été comme ça. L'URSS en signait avec la France en cas de, pour attaquer l'Angleterre, avec l'Angleterre pour attaquer la France, mais l'Angleterre, tout le temps. Quand tout semble aller bien, fiez-vous sur Dieu. On ne dormira pas. Le Nazaréen, qui était un des bonhommes qui a eu un langage le plus ajusté qu'on a connu dans le passé, a dit que lui-même reviendrait comme un voleur. Mm. Pas comme un policier. Ben, ça... Ouais, ça n'est pas des villes, là. On peut s'estimer pas mal pareil. N'empêche. Mm. Comme un voleur. C'est ça, Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas arrêter de redescendre dans tes cycles? Bien, il n'y a pas de cycle, comme tu disais, là, mais dans les... Bon, de quelle façon l'humain peut monter... Puis rester en haut. Aller bien, puis rester en haut. Oui. Bonne question. C'est une bonne réponse que je voudrais. On va aller en chercher une. Une qui va te plaire. Bon. L'humain qui arrive à une forme de plénitude. Premièrement, il faut que l'humain conscientise dès le départ que la matière est là pour le servir, que les forces sataniques sont un danger tant que l'humain n'a pas réussi à les soumettre en esclavage. Satan doit être l'esclave de l'homme. Satan, c'est un phénomène matériel très proche de Belzébuth. Belzébuth est un phénomène vital. C'est lui qui permet la gestion de la matière. Lorsque l'être humain a une autorité mentale dans l'astral, a la faculté de contrôler les forces sataniques ou les forces sataniennes, il a le contrôle de Belzébuth. Cela veut dire qu'il peut planter une graine puis en dedans de 30 secondes faire pousser une fleur. Bon. Lorsque l'être humain arrive à cette idée, à cet objectif même du contrôle, de devenir, à l'idée même de devenir son seul maître, sans penser que Dieu va être frustré, Dieu va l'être. Tout ce que l'humain vit, Dieu le vit. Quand l'homme souffre, Dieu peut souffrir. Si l'homme peut être colérique, Dieu peut être colérique. Si l'homme peut être jaloux, Dieu peut être jaloux. Si l'homme peut être heureux, Dieu peut être heureux. Identique, c'est la même chose. La structure amique est créée par Dieu. Donc, tout ce que nous vivons au niveau de l'âme, ça vient de lui. Ça, c'est sa substance. C'est une copie. Oui. C'est le Dieu dans l'homme. Je parle toujours du Dieu dans le ciel. Je ne parle pas du Dieu dans les cieux. Bon. Le Dieu dans le ciel, la copie conforme de l'homme, créée par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme lorsque l'homme s'est effusé sur le plan planétaire, c'est ça qui habite l'homme. Tout ce que l'être humain peut vivre émotivement, Dieu le vit. On peut donc effectivement faire plaisir à Dieu. On peut aussi faire de la peine à Dieu. On peut... Pareil. Bon. Lorsque l'être humain décide d'être son seul maître, cela veut dire qu'il entre en totale compétition avec les forces divines. Cela veut dire que tout ce qu'il semble, tout ce que l'humain semble, disons, on l'a toujours dit à l'humain, Dieu a toujours dit à l'homme que l'homme avait un libre arbitre, même si c'est totalement faux, pour la simple raison que Dieu a donné ça à l'homme, de façon à ce que l'homme se culpabilise des conneries divines. Simple. Bon. Et quand Dieu fait une connerie, ben l'homme, il pense que c'est lui qui a le libre arbitre, c'est lui qui est mal fait, puis c'est lui qui souffre pour, etc. Fait que Dieu est conscient de le prier, ben l'aimer. C'est ça. Tu mets un enfant au monde qui est handicapé, ben. Ta faute. Ah, ben non, c'est ta faute. Tu as fait ceci. Ou encore, Dieu est quand même bon d'avoir sauvé ta femme pendant l'accouchement de l'enfant. Dieu est quand même bon d'y avoir donné deux yeux, même s'il n'y a pas de bras, pas de jambes. Dieu est toujours bon. Ça va bien. Bon. Ça, c'est le problème est réglé pour ça. On a une gang de tapes, hein? Franchement. L'humain qui arrive à contrôler sa structure psychologique ou matérielle, disons, la structure événementielle, l'humain qui arrive à contrôler l'événement et tout va bien, pour que cela continue à aller bien, il va nécessairement falloir que l'humain apprenne à parler à Dieu. Pas prier. Tu ne pries plus. J'ai déjà expliqué souvent, puis on en parle aussi beaucoup au niveau d'un séminaire, quand on prie, le Nazaréen, il a compté plusieurs farces à l'humain quand il est passé, c'est-à-dire qu'il s'ajustait à l'humain. La première grande farce qu'il a compté, c'est le Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux. Première prière qui ne s'adresse pas au Père dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. C'est évident, on parle juste du nom là-dedans. On a déjà parlé au niveau des conférences sur le nom. Que ton règne arrive. Ça, c'est une prière plate pour que l'humain continue à espérer. Ça, il n'y a rien là. Puis là, il continue à faire sa structure au niveau de ça. Il oblige l'humain à vivre un peu plus dans l'instantanéité. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On parle du quotidien. Donc, on arrête de vivre dans une vaste étendue de phénomènes temporels. Ah, il n'était pas pour dire à l'humain, vous devez être là, ici et maintenant, etc. Ça ne fonctionnait pas. L'humain était biologiquement spirituel. Mais n'empêche qu'on priait pour la journée, ce qui était déjà un grand pas. Quand je parle de farce que le Nazaréen a donné, c'est que l'humain ne comprend pas ce qui s'est passé, puis c'était génial. Il s'est ramassé carrément par les culottes. À la fin, il finit pour la première fois avec le mot « Amen », qui veut dire « Amen ». En réalité, qui veut dire « Ainsi soit-il ». Qu'il en soit ainsi, c'est un ordre. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, celui qui arrive à monter dans sa structure de vie, ou psychologique donc, qui arrive à contrôler le phénomène événementiel un peu mieux, nécessairement il a de l'intelligence. L'ego reste manipulé, mais il part de l'intelligence. Donc on peut dire que l'être humain commence à s'éveiller et lui commence à avoir un contrôle. Alors celui qui en arrive là doit apprendre à parler à Dieu. C'est différent. On peut prier Dieu, On peut parler avec Dieu. Moi, ce que je dis, c'est de parler à Dieu. C'est pas pareil. C'est un monologue. Tu parles seul à Dieu. Oui, oui. Je lui dis quoi faire. Alors, je cesse de le remercier pour tout ce que je ne voulais pas avoir. Je cesse de le remercier pour ce que, de toute façon, j'aurais eu. C'est mécanique. Pas Dieu. Il neige. Ah, merci pour m'envoyer cette belle neige. Puis il y en a un qui dit, « Ah, s'il vous plaît, fait qu'il pleuve ou qu'il fasse plus beau. » Puis, tu sais, Dieu est là-dedans, puis on est là, puis on prie, puis on remercie, puis on chiale. Je l'ai dit souvent, le voyageur demande du beau temps, le paysan demande de la pluie, puis Dieu il hésite. Nuageux avec possibilité d'averse. Ça, il relègue ça au météorologue, puis il démarre ses prédictions. Dorval. Éclairci. Il faut ouvrir nos yeux. Celui qui... Donc, on peut prier pour remercier, il faut cesser. Deux, parce que là, notre énergie, on la perd. On la met dans le ciel. Un jour, on va pouvoir s'en resservir, c'est correct. Mais si on veut commencer à fonctionner immédiatement, il faut cesser de la placer dans le monde de la mort, on la perd. Deuxième chose qu'il faut immédiatement couper net, c'est de parler avec Dieu. Demander des conseils divins. Fouiller dans la Bible pour savoir ce que le passé nous dit de faire aujourd'hui. Vous savez comment traverser la rue sans se frapper. Sodome et Gomorre. Enfin, il faut t'interpréter à ta manière. Tu peux prendre des tarots, un marc de thé, c'est la même chose. Bon. Il faut cesser de parler avec Dieu parce que Dieu est un grand manipulateur et nécessairement il va manipuler la conscience de l'homme en fonction de ce qu'il lui a besoin. Et non pas en fonction de ce que l'homme a besoin. Puis ça, si on n'est pas sûr, mais regardez quelle est la couleur de notre planète aujourd'hui. C'est pas une planète verte, une planète qui est un peu brunâtre, grise. Non, Dieu travaille en fonction de ce qu'il a besoin, lui, pas en fonction de ce que l'homme a besoin. Parce qu'il n'y a pas une humaine sa planète qui prie pour qu'il y ait de la pollution. Ça prie en maudit pour qu'il y ait de l'eau pure. Même les pays développés, qu'est-ce qu'ils demandent à leur divinité, c'est ces choses-là. On prie pour la paix, on prie pour la santé. Bien, qu'est-ce qui marche le plus sur la planète? C'est le système de contrôle de la maladie. La pharmacie, les compagnies pharmaceutiques, les hôpitaux, etc. On prie pour avoir la paix, pour être sécuritaire, pour ne plus avoir de voleurs. L'une des grandes industries, c'est l'industrie militaire. Non. C'est ce qu'on a, c'est pas ce qu'on demande. Certains vont dire, on a ce qu'on mérite. Mais oui, mais Christy, on ne peut pas faire autrement. Il nous envoie des soldats qui viennent nous attaquer. Ces soldats-là sont manipulés, puis ils ont peur de venir nous attaquer en plus. On n'a pas ce qu'on mérite. C'est qu'il ne faut pas parler avec, mais à. Parler avec, c'est pas bon, parce qu'effectivement, comme Jim Jones, il parlait avec Dieu. Il a sauvé plein de monde jusqu'à temps qu'il en tue 993 en Guyane. Bon, il y a un paquet de gens comme ça. Parler avec Dieu, c'est pas bon. On ne doit pas faire ça. Oh, c'est évident que l'humain qui est encore pris à faire ça, je ne sais pas lui que je m'adresse. Lui, il va continuer à le faire. Il en a besoin. Pourquoi? Parce que lui met de l'énergie dans le ciel, énergie que moi, j'aurai besoin dans pas grand temps. Fait que c'est correct, continue à le faire. Le problème n'est pas là. Mais pour ceux qui peuvent comprendre, tout aussi ils vont servir de cette énergie-là. C'est qu'il y a du monde qui font des dépôts, puis il y a du monde qui font des emprunts. Exact. Ou qui retirent, ils font pas d'emprunt. C'est une grosse compagnie, il y en a qui achètent des actions. Puis il y a des personnes, à un moment donné, qui vont simplement s'en servir pour pouvoir appliquer ça dans la matière. C'est sûr que ceux qui vont avoir la faculté de parler à Dieu et de se servir à un moment donné de cette énergie-là vont s'en servir par l'intelligence. Donc, tous ceux qui auront acheté des actions divines, bien, ils vont avoir des ristournes par l'homme, pas par Dieu. Celui qui prie pour avoir la paix, à un moment donné, il y aura des humains intelligents qui vont prendre l'énergie de l'homme et qui vont l'imposer la paix sur la planète. Et celui qui aura prié pour, il va dire, « Ah, Dieu m'a exaucé par la main de l'homme. » C'est l'homme qui va avoir exaucé l'homme, pas Dieu. C'est l'homme qui peut pardonner à l'homme, pas Dieu. C'est l'homme aussi qui peut répondre à l'homme, pas Dieu. Nazaréen l'avait dit tout court, c'est l'homme. C'est du ressort de l'homme de pardonner à l'homme. Mais moi, je rajoute, c'est aussi du ressort de l'homme que de sauver l'homme, pas Dieu. Dieu ne peut pas. Ça fait 2 millions d'années qu'on attend après lui. Il ne se passe rien. Plus que 2 millions d'années. 35 millions d'années qu'on a une conscience. Bon, Dieu évolue entre ça, mais ça n'a pas donné grand résultat. C'est l'homme. On l'a toujours dit souvent. Il y a une épidémie, il manque d'eau, ou encore il y a eu un ouragan. C'est plein de monde à terre. Puis il y a le prêtre qui invite les fidèles à venir prier pour s'en sortir. C'est ceux qui conduisent les bulldozers qui aident l'homme. Le prêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider ceux qui sont dans un état psychologique tellement incertain qu'ils ne peuvent même plus rien faire. Là, le prêtre vient. Mais ça, c'est le travail dans le plus bas. Lui, il va les remotiver à faire quelque chose. Bien, ça dépend du prêtre. Il peut les remotiver à continuer à prier parce qu'il va dire, voyez, Dieu nous a exaucés. Christi, c'est l'homme qui a rebâti le village, pas Dieu. Assoyons-nous et prions. Il ne va jamais rien se passer. On ne mangera même plus. Hey, on va même essayer de prier pendant 2 semaines sans aller aux toilettes. Dieu ne le permettra même pas. C'est du ressort de l'homme. Lorsque l'homme arrive à parler à comment tu fais pour parler à Dieu? Il faut que tu sois premièrement capable de faire facile avant de faire difficile. Alors, il y a des personnes ici qui veulent avoir des réponses, et des personnes qui ne sont pas ici, puis qui m'écoutent, et puis qui veulent aussi avoir les réponses. Ceux qui vont acheter les cassettes. Et puis, quand je donne une solution, la solution, c'est jamais une solution rapide. C'est pas une solution McDonald's. C'est-à-dire qu'il y a quand même un échelon. Si c'est sûr qu'il y aurait une solution facile, de temps en temps, j'en donne, ils sont tellement faciles que les gens les oublient tout de suite. Avant de parler à Dieu, il faut être capable de parler à l'homme. Comment tu fais pour parler à l'homme? Tu te respectes. Ça veut dire que tu dois commencer par te parler à toi. Alors, il y en a plusieurs qui vont dire, « Ouais, ben c'est plate en tabarnouche, moi, je vais parler à soi. » Je suis d'accord, c'est pour ça que d'ailleurs, je ne parle pas qu'eux autres. Bon. Mais il faut qu'on arrive à se parler à soi. Quand on se parle à soi, ça veut dire que lorsque l'on décide une chose, lorsqu'on conçoit certaines choses, lorsqu'on voit que c'est telle affaire qu'on devrait faire, pas du point de vue du matériel, on parle toujours de notre évolution. Dans 50 ans, ou mettons dans 2 ans d'ici, ou dans 10 ans d'ici, la seule chose qui va rester sûre à nous autres, c'est nous autres. Notre automobile, on l'aura peut-être perdue. Les affaires qu'on aura faites, on ne les aura peut-être plus. Notre femme, notre mari, nos enfants, peut-être qu'ils ne seront plus comme on pensait. L'humain doit privilégier, lui, sa transformation. En résultat secondaire, très, très secondaire ou même tertiaire, il y aura les effets de l'évolution. Télépathie, la bonne santé, la guérison lentement des choses, puis l'argent qui va commencer à tourner après. Ça va, c'est logique. Il n'y a pas un être humain sur la planète Terre qui ne soit pas entouré d'argent. Pas parce qu'il y en a besoin au niveau sécurité, parce qu'il y a de l'énergie à exprimer. Alors maintenant, l'argent qui traîne partout sur la planète, la valeur financière, le pouvoir sur la matière qui est dilapidé sur la planète, quand un humain commence à être intelligent, ce pouvoir-là qui est dilapidé, qui est peut-être dans les mains d'un paquet de gens, lentement va quitter ces mains-là pour commencer à tourner autour de celui qui est là. Peut-être que la personne qui l'a va venir tourner autour, donc elle va pouvoir continuer à en bénéficier, mais lui commence à gérer ça. Se parler à soi, ça veut dire être premièrement capable d'avoir une discipline. Donc, on doit bâtir un autodisciplinaire. Cela veut dire que je dois m'arranger pour instruire mon ego, c'est-à-dire que c'est la première manière de parler à Dieu, parce que Dieu, il s'immisce partout. Alors, je dois commencer par, je ne veux plus me mettre en colère. La colère, qu'est-ce que c'est? La colère, c'est l'expression d'une perte totale d'énergie et d'une nourriture extrêmement parfaite pour une partie du monde de la mort. Moi, je m'observe et je décide, je commence avec une chose. Je fais le pacte avec moi-même, je ne veux plus me mettre en colère. En réalité, je dois clarifier ma parole et dire, je ne veux plus être soumis à la colère. C'est Dieu qui passe par mon intermédiaire, qui me manipule totalement. Chaque fois que je suis en colère, je ne sais même plus qu'est-ce que je dis, donc c'est pas moi qui le dis. Je ne veux plus. Alors, je parle à mon ego. C'est lui le connard. Mais cet ego-là, c'est un doigt divin. Quand tu te parles ou que tu parles à ton ego, est-ce que tu te nommes de ton prénom en même temps ou si c'est pas nécessaire? Ça dépend encore des individus. Tu poses une question qui est relativement d'envergure, qui prend énormément de temps à répondre. Parce que l'être humain est constitué, il faudrait qu'on détermine premièrement qu'est-ce que c'est qu'un nom. Un nom, c'est la résonance vibratoire décodée par le centre laryngé d'un observateur. D'un nombre de formes émises par un émetteur. Autrement dit, lorsque je regarde un objet, il y a un nombre de formes, donc une forme qui arrive à mes yeux. Mon corps vital va la détecter et lentement, il va la transformer en mots. Mon centre laryngé va la donner et on invente donc des mots et des noms. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque le Nazaréen exorcisait quelqu'un, il attendait, il le laissait baver puis crier puis se tordre à terre. Et puis, à un moment donné, lorsqu'il avait suffisamment vibré, il arrivait à dire, pouf, un nom. Immédiatement, la chose qui l'habitait s'arrêtait net. Après, il répète le nom et il donne un ordre. C'est évident que ça marche. Il n'y a personne quand on a le bon nom. C'est sûr que si je te dis Charles, mais ce n'est pas ton vrai nom, Charles, c'est le nom que tes parents t'ont donné, qui va pas pire? Mais ce n'est pas la clé. Si je prononce la clé, je te dis lève-toi et tu vas te lever. Que tu le veuilles ou pas, tu te lèves. Lorsqu'on veut se parler à soi, on doit être capable de vibrer la partie anti-homme qui nous habite. La partie qui provient du Dieu du monde de la mort. La partie anti-homme, anti-intelligence, anti-homme. Si je la paramètre totalement et que je la rebaptise, c'est réglé. Je vais lui dire, sors, elle va sortir, je suis immédiatement illuminé, je crée mon dôme éthérique, je rentre en fusion, c'est réglé. L'être humain qui va dire, bon, Daniel, je veux plus que tu fasses ça, c'est très juste. Ou Charles, arrête de faire ceci. Parce que si un humain se parle, ce n'est pas son ego. Donc, si je dis Daniel, je m'adresse à la petite partie homme et à la grosse partie anti-homme. C'est pas parfait, mais c'est plus juste. C'est déjà mieux que de pas. Oui. Alors, au lieu de dire, voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? Non, je peux me raisonner drôlement plus si mon mental dit, voyons donc, Daniel, qu'est-ce qui t'arrive encore? Ça va le sécuriser. Il y a quelqu'un qui lui parle. C'est moi. Alors, je commence à parler à Dieu, parce qu'un jour, nous serons le Dieu de Dieu. Nous allons sauver Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à l'homme, parce qu'il l'a créé, puis il attend que l'homme devienne bon. Il l'aurait fait bon. Non, Dieu n'a pas créé l'homme de même. Dieu s'extend dans l'homme, dans l'âme. Crée l'âme dans l'homme, pas l'homme. Et le sauveur du ciel, c'est l'homme. Dans la matière, ça va se faire, c'est l'homme. Présentement, l'ego attend après Dieu, mais Dieu attend après l'homme. Ça va venir. Je commence avec Daniel, là tu t'es mis en colère, puis ça, c'est pas correct. Il va falloir que tu te contrôles. Mais je me parle, Daniel. Mais il faut qu'on puisse avoir un discernement suffisamment tranchant dans le mental et l'astral pour qu'on n'ait pas l'impression de jouer un jeu. Parce que là, ça ne marche pas. Ah oui, mais j'ai essayé de me parler. Non, c'était fait. Daniel, arrête. Ah, oh, mais j'essaye de me le dire. J'essaye de lui dire. Pas de me le dire. Je ne suis pas Daniel. N'importe quel individu, regardez comment on fonctionne. Il y a tellement de choses qu'on fait qu'on ne veut pas faire, fait qu'il faut qu'on coupe là. Si je ne veux pas le faire, puis que je le fais, on est deux qui habitent dans le même corps. C'est simple. Il y en a un qui est manipulé ou qui est carrément stupide. Puis il y en a un qui voit, puis qui n'a pas le contrôle. Puis c'est lui qui se frustre parce que le cave en bois agit. Alors, il faut maintenant qu'on commence à y parler. Tant qu'on n'aura pas appris à lui parler et à le contrôler, on va continuer à faire des conneries, on va continuer à me mettre en colère. Puis, à un moment donné, là, Daniel, tu as encore fait des crises idiotes, puis là, tu vas aller t'excuser. Puis, Daniel, il ne veut rien savoir. C'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Un Dieu ne veut pas s'excuser. C'est Dieu, ça. Le mental, oui. Tu ne te mettras plus en colère, mon torieux. Attends, on y va. Parle. Là, j'ai quelque chose, Daniel a quelque chose à te dire. C'est très, très, très brillant, sinon j'ai quelque chose à te dire, parce que l'autre ne comprendra pas. C'est que tu avais raison, sur toute la ligne, je crie pour rien, puis que je m'excuse. Là, Dieu, check ben Dieu, l'imbécile va descendre dans l'autre, il va dire, non, non, mais moi aussi, j'avais tort. On risque de recommencer à s'astiner. Faut t'arrêter tout de suite. Tu dis, j'ai plus rien d'autre à dire. Quand tu vas revoir quelqu'un pour t'excuser... T'es mieux de l'appeler puis l'accrocher. C'est ça. Va le voir, excuse-toi, puis va-t'en. Sinon, tu perds. Non, ça ne marche pas. Mais moi aussi, j'aurais pu. Là, il faut que tu dises, ouais, c'est vrai que tu aurais pu, mais plus moi, parce que si tu en prends trop, il se frustre, puis si tu en donnes trop, il se frustre, t'es fait. Va-t'en. OK, ça, c'est important. Alors, on parle à ce qui nous habite, qui est l'anti-homme qui porte un nom. Le mien porte le nom de Daniel. Le Daniel, ça représente la partie intelligente puis la partie amique. La petite partie intelligente et la partie anti-homme, la partie astrale, la partie divine. Une des parties divines du monde de la mort. Le reste de l'entité que l'on connaît sous le nom de Daniel est aussi une partie divine, mais des cieux, comme l'humain au complet l'est. Mais c'est cette partie à l'intérieur de l'homme qui nous anime, qui nous habite puis qui nous redonne des problèmes. Ça commence à bien aller, même si ça ne va pas encore bien. Ça ne change rien. C'est le temps de commencer, n'est-ce pas? Quand on en arrive là, bien, à un moment donné, j'arrive, moi, à aller voir quelqu'un et lui dire « je m'excuse ». Maintenant que je peux me parler. Là, ce soir, tu es fatigué, ton corps physique est épuisé, tu veux écouter l'émission de télévision, mais tu ne l'écoutes pas, tu en vas te coucher. C'est ça qu'il faut faire. OK, Daniel, lève-toi, va te coucher. Là, tu es là, puis « Daniel, lève-toi, va te coucher. » Tu vois la puissance que ça a pour te manipuler. Toi, tu te manipules. Ton mental, donc ton intelligence, va commencer à te manipuler. Tu viens pour manger, tu viens pour fumer, puis Daniel, laisse-la là. Tu dis pas, bon, faut que je la laisse là. Non, non, parle-toi. Puis si tu le fais oralement, c'est beaucoup plus puissant parce que les oreilles de l'ego vont comprendre. Dans la tête, c'est très faible. Parle la parole, Seigneur. Et quand tu en arrives là, eh bien, tu as réussi maintenant à brimer ce qui te nuisait. Quand faut que tu rencontres quelqu'un, il faut le rencontrer avec quelqu'un. Là, tu parles à l'humain. Et parler à l'humain, ça veut dire que quand un humain vient t'achaler, tu lui dis, « Non, je ne veux pas, je n'ai pas le temps. »« Ah, mais il faudrait, si tu veux que je te le dise en te crachant en plein visage, je vais le faire. » Je te le dis, simple, je n'ai pas le temps. Si tu veux rien savoir, je n'aurai pas plus le temps. Mais il va prendre 30 secondes pour que tu le comprennes. « Oh, mais dis toujours ça! » Il ne recommencera plus jamais. « Ah, oh, t'as peut-être mangé une coque en pleine face, c'est pas grave. » Il ne recommencera plus jamais. Là, ils vont trouver que t'es fou, mais l'humain a besoin d'amis, puis d'idoles. À un moment donné, ils vont dire, non, mais lui, il est comme ça. C'est quand même un bon gars. Parce qu'ils sont meilleurs que toi, leur ego en a besoin. Mais on va te respecter. Là, je donne un exemple qui est extrémiste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit trancher. Il n'y a pas de, oui, mais si mon changement nuit aux autres, de toute façon, que tu changes ou pas, tu nuis aux autres. Tu vas passer pour le coup. Il y a toujours des gens qui vont avoir à chioler. Donc, qui sont malheureux parce que tu n'es pas là ou parce que tu es là. Fait que finalement, tu l'occupes tout de toi. Quand tu es maintenant capable de parler à autrui, tu rencontres ton patron puis tu lui parles. Puis la patate, elle ne se promène pas dedans. Ou si elle se promène, elle ne t'empêche pas d'aller le voir. Puis ta première étape, c'est donc d'apprendre à se parler à soi. Oui. La deuxième, à parler aux autres. À plus transpirer quand on vient me rencontrer ou quand on rencontre le pape ou quand on rencontre n'importe qui. C'est un corps de chair. Parce que la collectivité vient de l'élire premier ministre, et maintenant, je me mets tremblant en avant. Puis deux semaines avant qu'il soit élu, je ne le connaissais pas, mais j'ai donné de la marde parce qu'il est venu frapper mon pare-choc d'automobile. C'est ça l'affaire. C'est l'histoire de l'homme. Alors maintenant qu'il est premier ministre, bien, moi, juste aller y parler, parce que maintenant qu'il est premier ministre, il y a une gang de monde qui vont transpirer quand ils vont y parler. Fait que si je le fais chum, je manipule tout le monde. Mais je ne vais pas transpirer en avant de lui. Alors maintenant, je peux parler à l'humain. Au garagiste, je me suis fait avoir, c'est pas correct, je m'en vais lui parler. Pas gueuler! Je m'en vais lui parler. Ce que je vois comme intelligent, ça doit maintenant passer. Quand j'arrive à parler à l'homme, j'ai parlé à la manipulation divine chez moi. Où elle va être un petit peu plus réticente et plus forte, c'est la manipulation divine chez autrui. Je vais donc commencer à parler à l'homme. Puis maintenant que je contrôle l'homme et moi, puis quand je dis contrôler, c'est pas que je manipule. Mais une personne qui arrive en beau mot t'a dit, je la calme, puis maintenant on parle. Okay. Elle est bien mieux. Moi, je suis bien mieux. Au lieu de toi, de choquer puis de monter à son niveau. Exact. Elle va baisser à son niveau. Elle va monter mieux. Une fois que c'est fait ça, eh bien, maintenant, on peut commencer à parler à Dieu. Là, lui-même va plus poser comme question, oui, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sauras quoi dire à Dieu quand ça va être le temps de parler à Dieu. Mais ça ne sert à rien de vouloir connaître la dialectique qu'on doit employer pour parler à Dieu, alors qu'on n'est même pas encore capable de se parler à soi. Tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes et que tu n'es pas capable? Ça te sert à quoi d'aimer? Souffrir? Être pogné? Souffrir de ne pas être capable de le dire? Non. Alors maintenant, tu te parles. Tu ne l'aimes plus ou tu lui dis. Libère. Puis il y en a qui vont aller sur une thérapie de groupe, puis on va se faire motiver astralement, c'est-à-dire qu'on change leur ego. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que ton mental prenne le dessus. Vous savez, on a des problèmes. On a un ego qui est particulier. On fait du rebirth, on fait des retours dans le passé, on fait des paquets de trucs pour essayer de connaître qu'est-ce qui, dans l'Antiquité, a pu faire, que ci, que ça. Puis on a un ego qui est comme ça. Il y a le problème. C'est évident que si on change l'ego, on change le problème. Mais ça restera l'humain. Après des milliers d'années, l'humain est le même. Même peur, même crainte. Le luxe a changé, la matière a changé. Mais l'humain a la même. C'est le même humain. On ne reconnaît pas de différence dans l'humain. Pas tellement. On doit partir du plan mental. Puis l'instruire. J'ai peur des chats, j'ai pas besoin de faire une thérapie pour aller voir pourquoi j'ai peur des chats. C'est une perte de temps. Je veux devenir le maître de moi. Alors, l'ego, le cave, a peur des chats. Peut-être parce que Dieu est descendu parmi nous. On sait pas. Il y a des mémoires. Par minette. Tout ce que nous sommes, nous le sommes. OK. La solution, c'est pas de vouloir étudier le pourquoi nous le sommes. Ça, c'est une perte de temps. La solution, c'est maintenant de savoir ce que nous voulons être. Puis si on ne le sait pas, bien, on ne sait pas ce qu'on veut être globalement, mais on sait au minimum qu'on veut déjà cesser d'avoir peur le soir. On sait au minimum qu'on veut cesser de sentir un truc bizarre ici, qui était peut-être un début d'angine de poitrine, parce qu'on s'inquiète pour des choses. On sait ça. On sait que de temps en temps, on doit se mettre la main sur l'estomac, puis on sait que de temps en temps, on doit prendre une pilule pour le mal de tête. On sait ça. Même si on ne sait pas ce qu'on veut faire cosmiquement, on va au moins commencer par régler les conneries qui nous habitent. Là, on commence à se parler. J'ai mal à la tête de temps en temps, mais là, c'est parce que je me suis encore inquiété pour rien. Puis, au lieu de dire, oui, mais tu vois pas que tu m'inquiètes, ou si tu téléphonerais aussi, je m'inquiéterais pas. Non, manipuler toute l'humanité pour être bien, on y arrivera jamais. Est-ce que le fait d'être capable de te parler va faire en sorte que quand ça va trop bien, ça va être moins dangereux d'une rechute? Si tu te parles, ça développe un paquet de choses d'une façon sournoise. Ça développe, premièrement, le fait que tu vas devenir ton seul maître à moyen terme. Ça développe aussi le fait que, te parlant, tu vas apprendre à te connaître, à savoir les mots te donner. Mais ça développe surtout le fait que, pour te parler, tu devras t'observer. Si tu dois t'observer, quand tout va aller trop bien, tu risques d'être encore éveillé. alors tu risques fortement que ça reste comme ça, puis que ça continue à monter. Bien autre chose qu'on doit faire. On doit s'arranger pour cesser d'être médiocre. Si je vise à avoir un empire planétaire, bien avant que ça aille trop bien, je vais monter haut. Mais si je vise à avoir 2000 piastres en banque, quand je l'ai, là, ça va trop bien. Mais si je visais à 500 000, mon 2000, je ne le verrais même pas. Je ne le perdrais pas. Je continue à travailler, puis je continue à penser que je ne vais pas trop bien. Ça, c'est une manière de le faire. Oui, mais si tu n'es pas capable de supporter 500 000, la ballonne, elle va juste être plus grosse quand elle va péter, non? Mais elle est plus loin. Et si tu te parles, mais il faut que tu évolues suffisamment rapidement pour être capable de supporter ces formes. Toute évolution matérielle doit être parallélisée par une évolution intelligente, une évolution humaine. Alors, si tu accumules de l'argent en banque, développe-toi aussi. Si tu accumules des amis autour de toi, développe-toi aussi. De la puissance humaine. Tu vas t'en servir, ils vont se servir de toi. Il y a un échange d'énergie, c'est équitable, mais développe-toi aussi. On ne doit pas s'endormir. On ne doit pas s'endormir. Il faut être capable de soulever la maison, mais de faire le salage en mesure en dessous pour qu'elle retombe. C'est que la maison qu'on veut soulever, on doit vouloir faire en sorte qu'elle s'en aille jusque sur Pluton. Donc, tout le temps qu'on l'a fait, on n'est jamais satisfait. Là, je parle du point de vue de l'ego. Mentalement, on n'en souffrira plus à un moment donné. On va dire qu'elle monte pas, qu'elle tombe pas, ça ne change rien. Mais pour l'ego, lui, il a besoin d'une carotte. On y avait une carotte assez haute. Que ça ira jamais trop bien. Fait que Dieu va être content. Par la suite, si on peut commencer à se parler, on se prend en main, c'est drôlement mieux. Mais là, tu ne sécrèteras pas rien. Tu sécrèteras rien. Tu sécrètes toujours un peu, mais tu te libères, toi. Puis tu permets de construire une table, une structure matérielle autour de toi, qui fait que si ça tombe un jour, tu ne tomberas pas aussi bas. Puis tu risques, si tu comprends bien la mécanique, d'arriver à te parler, ce qui est très important. Après ça, être capable de parler à autrui, sans qu'il y ait de guerre, de chicane. Sans que tu quémandes, sans que... Pas grave de demander un service à quelqu'un, c'est pas ça l'idée. C'est de le têter pour lui demander. Ça, c'est pas pareil. J'ai besoin de 2000 piastres, peux-tu me le prêter? Je quémande rien. C'est une mécanique. Oui, non, parfait, ça va. Là, j'ai quelque chose à te demander, là. J'ai un gros problème, puis je me demande, tu sais, je veux pas t'achaler, là, puis là, t'es un maudit têteux. Je sais que je te dérange, oui. C'est ça, je sais que je te dérange, mais je m'en fous. C'est pas ça que je veux dire. Je sais que je te dérange, mais quand même. Et par la suite, tu pourras parler à Dieu, ça va venir tout seul. Mais c'est évident que quand tout va trop bien, fiez-vous sur Dieu, ça ne continuera pas. On fait une pause. Vous avez des questions sur n'importe quel sujet, vous les ramenez sur papier ou sur le sujet de la conférence.